La servante de la cure. Un matin, vers la fin de l'hiver, nous sommes assis à la cuisine avec grand-mère. On frappe à la porte. Une jeune femme entre. Elle dit « Bonjour, je suis venue chercher des pommes de terre pour… » Elle arrête de parler. Elle nous regarde. « Ils sont adorables !» Elle prend un tabouret. Elle s'assied. « Viens ici, toi !» Nous ne bougeons pas. Ou bien toi. Nous ne bougeons pas. Elle rit. Mais venez, venez plus près. Je vous fais peur? Nous disons. Personne ne nous fait peur. Nous allons vers elle. Elle dit. Ciel, que vous êtes beau, mais comme vous êtes sale. Grand-mère demande. Qu'est-ce que vous voulez? Des pommes de terre pour monsieur le curé. Pourquoi êtes-vous si sale? Vous ne les lavez jamais? Grand-mère dit fâchée. Ça ne vous regarde pas. Pourquoi ce n'est pas la vieille qui est venue? La jeune femme rit de nouveau. La vieille, elle était plus jeune que vous. Seulement, elle est morte hier. C'était ma tante. C'est moi qui la remplace à la cure. Grand-mère dit. Elle avait 5 ans de plus que moi. Comme ça, elle est morte. Combien vous en voulez de pommes de terre? 10 kilos ou plus, si vous en avez. Et aussi des pommes et aussi… Qu'est-ce que vous avez encore? Le curé est maigre comme un clou. Il n'y a rien dans son garde-manger. Grand-mère dit. C'est à l'automne qu'il y aurait fallu y penser. Cet automne, je n'étais pas encore chez lui. Je n'y suis que depuis hier soir. Grand-mère dit. Je vous préviens. À cette époque de l'année, tout ce qui se mange est cher. La jeune femme rit encore. Faites votre prix, on n'a pas le choix. Il n'y a presque plus rien dans les magasins. Il n'y aura bientôt plus rien nulle part. Grand-mère ricane et sort. Nous restons seuls avec la servante du curé. Elle nous demande. Pourquoi vous ne vous lavez jamais? Il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas de savon. Il n'y a aucune possibilité pour se laver. Et vos habits? Quelle horreur! Vous n'avez pas d'autres vêtements? Nous en avons dans les valises, sous le banc. Mais ils sont sales et déchirés. Grand-mère ne les lave jamais. Parce que la sorcière, elle est votre grand-mère? Il y a vraiment des miracles. Grand-mère revient avec 2 sacs. Ce sera 10 pièces d'argent ou 1 pièce d'or. Je n'accepte pas de billets. Ça n'aura bientôt plus de valeur. C'est du papier. La servante demande. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Grand-mère répond. De la nourriture. C'est à prendre ou à laisser? Je prends. Je vous apporterai l'argent demain. Les petits peuvent m'aider à porter les sacs? Ils peuvent s'ils veulent. Ils ne veulent pas toujours. Et n'obéissent à personne. La servante nous demande. Vous voulez bien, n'est-ce pas? Vous porterez chacun un sac et moi, je porterai vos valises. Grand-mère demande. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de valise? Je vais laver leur habit sale. Je le rapporterai demain avec l'argent. Grand-mère ricane. Lavez leur habit, mais si ça vous amuse. Nous partons avec la servante. Nous marchons derrière elle jusqu'à la cure. Nous voyons ses 2 tresses blanches danser sur son châle noir, ses tresses épaisses et longues. Elle lui arrive à la taille. Ses hanches dansent sous la jupe rouge. On peut voir un bout de ses chambres entre la jupe et les bottes. Les bas sont noirs, sur celui de droite, une maille affilée.